Comment la littérature écrit l'histoire ? La question des rapports entre l'histoire et la littérature est un objet de discussion qui s'est imposé dès le XIXe siècle, mais qui suscite toujours autant d'intérêt aujourd'hui. Je l'illustrerai dans cette chronique en prenant l'exemple du célèbre roman de Marguerite Yourcenar intitulé « Mémoire d'Adrien », dont le personnage principal est l'empereur romain Adrien, qui vécut de l'an 76 jusqu'en l'an 138 de notre ère. Publié en 1951, l'ouvrage a fait l'objet d'une très longue gestation. Marguerite Yourcenar voulait tout connaître sur l'Empire romain à l'époque d'Adrien avant de se mettre à écrire. Elle a consulté toutes les sources possibles, non seulement les textes littéraires, mais aussi les documents numismatiques, épigraphiques, archéologiques. Marguerite Yourcenar a aussi mis beaucoup de temps avant de trouver la forme qui lui permettrait de traduire ses connaissances historiques dans un langage littéraire. Finalement, comme elle avait appris qu'Adrien avait rédigé ses mémoires mais que celles-ci avaient disparu, elle a choisi de les réécrire à sa manière sous la forme d'une lettre ouverte au jeune Marc Aurèle, un parent éloigné qu'Adrien avait choisi pour petit-fils adoptif. Le principal intérêt de ce roman tient au talent de cette écrivaine. Elle a su conjuguer les souvenirs d'un empereur qui avait passé la majeure partie de son règne à parcourir son empire avec les descriptions d'un monde romain alors à son apogée. Le succès mondial des mémoires d'Adrien explique que beaucoup de lecteurs sont convaincus aujourd'hui encore qu'il fournit une description réaliste de la société romaine au IIe siècle de notre ère. Il faut donc rappeler que les critères qui permettent de juger une œuvre littéraire ne sont pas les mêmes que ceux qui s'imposent quand on veut évaluer la pertinence d'une recherche historique. Bien que les spécialistes de l'histoire romaine aient salué l'extraordinaire effort de documentation accompli par Marguerite Yourcenar, ils ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, non pas un ouvrage d'histoire, mais un roman qui joue avec l'histoire. En choisissant de se mettre à la place de l'empereur Adrien pour décrire ses émotions, ses désirs, etc., Marguerite Yourcenar a adopté une démarche qu'aucun historien de métier ne saurait suivre, car l'imagination tente ici à remplacer les faits attestés par les archives. Les historiens ont aussi reproché à l'auteur d'avoir accordé trop de crédit à des sources historiques peu fiables. L'exemple le plus flagrant concerne les emprunts à un ouvrage classique intitulé « Histoire Auguste »,« Historia Augusta » en latin, paru à la fin du IVe siècle et qui regroupe plusieurs biographies impériales, dont celle d'Adrien. On sait aujourd'hui que ce texte abonde en détails et anecdotes fantaisistes et s'appuie sur des sources ou des documents inventés. Néanmoins, le roman de Marguerite Yourcenar a donné à beaucoup de lecteurs et de lectrices le désir d'en savoir plus sur l'empereur Adrien et son temps. C'est sans doute l'un des meilleurs services que la littérature puisse rendre à l'histoire.